les planétophiles, le 24 août 2006 est à jamais marqué d'une pierre noire. C'est ce jour qu'à Prague, l'Union Astronomique Internationale décida de rétrograder Pluton au rang de planète naine et de ramener le nombre de planètes de notre système solaire de 9 à 8. Mais Pluton n'a pas dit son dernier mot. Grâce à la sonde New Horizons, qui en la survolant il y a 4 ans déjà, a envoyé de précieuses données sur ce qui est devenu l'astre le plus gros de la ceinture de Kuiper et des objets transneptuniens, avec peut-être même à la clé depuis quelques semaines l'éventualité du Graal de la planétologie, un océan liquide souterrain. La revanche de Pluton, c'est le programme petit mais costaud qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour mettre en mots et en acte cette revanche terrible de celle qui fut pendant un peu plus de 70 ans notre 9e planète de liquidateur de premier ordre. Bonjour Alain Dorisundiram. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris et Université Paris Sciences et Lettres. Et bonjour François Forget. Bonjour. Planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace et membre de l'équipe New Horizons. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast de préférence bien sûr via l'excellente application Radio France et comme toujours eh bien, en parallèle pendant cette émission, pendant la réécoute via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Et pour commencer cette émission, je vous en parlais il y a un instant, 2006, cette année charnière pour Pluton, d'abord parce qu'au tout début de l'année, le 17 janvier, la NASA lance aujourd'hui une sonde qui mettra au moins 9 ans avant d'atteindre son but. L'engin, baptisé New Horizons, Nouveaux Horizons, part à des milliards de kilomètres dans la banlieue du système solaire pour explorer la planète la plus éloignée du Soleil, Pluton. Voilà, Pluton, la planète la plus éloignée du Soleil. New Horizons est parti de Terre en direction de cette planète, mais quelques mois plus tard, le 24 août. Une petite révolution, l'Union Astronomique Internationale, réunie en ce moment même à Prague, vient doter son statut de planète à Pluton. Ce soir, il n'y a donc plus 9 planètes dans le système solaire, mais 8. Patrick Rocher est astronome à l'Institut de Mécanique Céleste. Pas vraiment surpris, il a expliqué pourquoi à Vanessa Descouraux. On avait découvert dans les années précédentes des planètes qui ressemblaient à Pluton, donc fallait faire un choix, fallait soit intégrer ces nouvelles planètes dans la liste des planètes classiques du système solaire, soit enlever la planète Pluton qui était un petit peu à part dans la liste des planètes. C'est quelque chose qui arrive relativement souvent. Bon là, comme c'est une planète, c'est quelque chose qui frappe un peu plus l'opinion publique, mais la science n'est pas figée, c'est quelque chose qui évolue, et le terme planète a évolué au cours des âges. Hein. Ça n'enlève rien à l'histoire, hein. Je veux dire simplement, ça va être, on va dénommer cet objet autrement. Voilà cette histoire étrange d'une sonde qui part explorer une planète et qui, en cours de mission, change dont la nature de l'objectif change en quelque sorte, François Forget. Oui, c'est vrai qu'on me demande souvent, mais Pluton n'existe plus. Enfin, les gens sont très frappés. En réalité, c'est vraiment juste de la nomenclature. C'est pas très important. C'est un peu comme si on avait autrefois appelé l'Australie un continent, et puis qu'un jour on dise, oh bah non, l'Australie c'est juste une île. Ça change pas grand chose pour les kangourous, quoi. Oui, mais pour les Australiens peut-être. Non, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Puis d'abord, c'est encore une planète. C'est une planète naine. Mais moi, je dis volontiers plutôt une planète. Alors, André Braek, le regretté André Braek, disait souvent, qui était vraiment à la manœuvre sur cette affaire de déclassement, disait souvent que Pluton est passé d'une petite planète un peu misérable, glacée, au statut de première chef des planètes naines. Elles sont pas si nombreuses que ça, et c'est vrai que c'est l'ambassadeur des objets transneptuniens, donc c'est aussi une promotion, faut pas être si négatif que ça. Mais encore une fois, ça reste que du vocabulaire. Et pourtant, ça reste que du vocabulaire, et c'est rigolo, parce que quand on travaille un peu sur Pluton, il y a toute une sorte de culte ou de mythologie qui est née un peu autour de ce déclassement de Pluton, la mal-aimée. Comment vous expliquez finalement qu'il y a eu une sorte comme ça de mouvement un peu populaire autour de ce changement de statut, Alain Dorisundiram? Alors moi déjà, on parle beaucoup de reclasser ou de rétrograder. Moi je préfère dire justement reclasser plutôt que rétrograder ou déclasser. Parce que finalement, Pluton n'a pas perdu son caractère extraordinaire. Hein. On va le voir avec les images de New Horizons. Et c'est un objet absolument fascinant et encore plus actif que la Terre. Donc pourquoi Pluton? Peut-être parce que c'est la planète découverte au XXe siècle et découverte par les Américains, peut-être. Et donc c'est effectivement, même parmi les astronomes, lors de cette Assemblée Générale à Prague, il y a eu un débat houleux. Beaucoup étaient contre, mais finalement tout le monde s'est rangé sur une définition qui est finalement une définition physique qui correspond mieux à ce que nous comprenons de ce qu'est une planète. Et comme le disait Patrick Rocher, c'est quelque chose qui est naturel en science. On avance, on évolue en champ d'avis, on n'a pas peur de se tromper. Le plus important, c'est surtout de corriger ses erreurs. Est-ce que vous pourrez peut-être nous rappeler pourquoi ce changement de nomenclature? Qu'est-ce qui fonde cette décision de l'Union Astronomique Internationale, François Forget? Oui, alors l'idée, c'est que on considérait avant, en gros, qu'une planète, c'était un corps qui tournait autour du Soleil et qui était suffisamment massif pour être sphérique. Quand on est un petit caillou, bah, on peut avoir une forme de patate. Donc, quand on est vraiment gros, là, il n'y a pas le choix. On fait des planètes sphériques comme la Terre, comme etc. Alors, dans le cas de Pluton, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à découvrir d'autres objets dans son voisinage, à peu près sur les mêmes orbites. Et un peu comme au 19e siècle, on avait découvert une astéroïde, c'était Cérès en 1801, et puis après on en a découvert d'autres, 1, 2, 3, 4, 100, et on s'est dit, il n'y a pas 100 planètes, donc on a un peu, entre guillemets, déclassé, reclassé, reclassé les Cérès, et tout le monde sait maintenant qu'il y avait, c'était pendant des dizaines d'années, on avait les 9 planètes, les astéroïdes, et puis leur lune. Et puis on s'est retrouvé un peu avec la même situation pour Pluton. Est-ce qu'on avait 8 planètes, 9 planètes ou 100 000 planètes? Alors, on a décidé d'un critère supplémentaire, c'était qu'il fallait que ce corps, donc pour être une planète, non seulement fallait être en orbite autour du Soleil, suffisamment gros pour être sphérique, mais en plus, il fallait avoir une gravité suffisante pour, entre guillemets, avoir fait le ménage sur son orbite, être tout seul, et pas être suffisamment petit pour partager ça avec d'autres. Alors, cette définition est un tout petit peu débattue, mais on voit bien l'idée, quoi. On veut pas avoir une nouvelle ceinture de planètes, on veut une ceinture d'autres corps. Alain Doré Sundiram, parce qu'il faut peut-être aussi rappeler que très peu de temps avant cette décision de l'UIA, il y a la découverte d'Eris, qui est un autre objet transneptunien et qui est peu ou prou de la taille de Pluton. Voilà, il y avait un petit seuil psychologique, c'était la taille. Encore que c'est pas un critère vraiment impartial. On peut parler aussi, est-ce qu'un corps a une atmosphère? Ça a été longtemps débattu. Qu'est-ce que c'est qu'une planète véritablement? Et cette définition qu'a décrite François est vraiment une définition qui découle de la physique, de comment les planètes se forment, en ayant fait le ménage sur leur orbite. Et Eris, effectivement, a accéléré les choses, puisque c'est un objet plus gros que Pluton. Il faut aller soit la considérer comme une 10e planète, soit reclasser cette population en objet de la ceinture de cette fameuse ceinture de Kuiper, et s'il garde une forme plutôt sphérique, des planètes naines. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de Pluton, de ce que l'on en sait aujourd'hui, de ce que l'on en savait naguère et de ce que cette mission New Horizons nous a apporté comme lot de connaissances. Et elles sont nombreuses, ces connaissances, comme vous allez l'entendre dans les prochaines minutes. Nous en parlons avec Alain Doré Sundiram et François Forget. Peut-être avant d'arriver à New Horizons, peut-on faire un rapide, vraiment résumé de cette histoire plutonienne, de cette découverte, dernière planète découverte avant son reclassement? On est en 1930, il y a effectivement, comme le disait Alain Doré Sundiram à l'instant, un petit enjeu géopolitique, puisque c'est la seule planète découverte par les Américains, François Forget. Oui, c'est une belle histoire. Alors, un peu, vous savez qu'au 19e siècle, on avait découvert Neptune en faisant des calculs en regardant les orbites des planètes connues, en particulier Uranus, puis on avait, en faisant ces calculs, décidé qu'il y avait un corps qui devait perturber l'orbite de Neptune. Et par le calcul, on avait dit, faut regarder là, et on a trouvé Neptune. Très très belle histoire. Alors évidemment, ça avait motivé tout le monde, en particulier un astronome américain, Percival Lowell, quelqu'un de très riche, qui avait fondé un observatoire dans l'Arizona. Et il s'était dit, je vais trouver une nouvelle planète, ça va être formidable. Et puis, ils ont commencé à chercher, ils se sont un peu trompés dans les calculs. Et puis, au bout d'un moment, un peu là, ils se sont dit, on va recruter. Finalement, astronautes professionnels commencent à abandonner. On dira, on va recruter un CDD. Ils ont recruté quelqu'un d'assez formidable. En fait, Clyde Tombaugh, on dit toujours un fils de fermier, c'est pas faux, qui avait pas de thèse à 24 ans. Et puis on lui dit, bah voilà, tu vas monter là-haut. On est à Flagstaff, Arizona, dans les montagnes. On lui dit, tiens, tu t'occupes de ce petit télescope, puis tu vas essayer de faire des photographies avec tes plaques de photos, puis rechercher ce fameux objet. Ça faisait des années qu'ils cherchaient. Donc, ils avaient quand même gardé un tout petit budget pour faire ça. Et puis Clyde Tombaugh, fort de l'équipement qui était là, mais aussi en apportant des astuces personnelles, eh bien, donc en 1930, pendant l'hiver, a tout d'un coup découvert, donc vous imaginez, c'est des plaques photos où on voit des étoiles, et puis à quelques jours d'intervalle, un petit point très très faible, hein, très ténu, on est depuis la Terre, plutôt c'est pas très lumineux, qui passe très lentement, il se dit, et dès qu'il l'a vu, il a dit « Ah !» Ah, j'y tiens quelque chose. Donc c'est une belle histoire. Et l'histoire retient que c'est... Ils n'ont pas retenu le patron, un Slipher, qui était quelqu'un de très puissant. Non, non, ils ont retenu Clyde Tombaugh, 24 ans, c'est-à-dire que c'est lui le découvreur. Et puis donc, bah voilà, on a pu caractériser très vite l'orbite. Et puis ensuite, rien du tout. À part qu'on a que Walt Disney, très impressionné, a nommé son le chien de Mickey Pluto d'après Pluto. Mm-hmm. Pas l'inverse, hein, des fois on me pose la question, mais non. Et on a nommé Pluton. Alors Pluton, c'est bien, ça commence par Percival Lowell, les initiales. Donc c'est vrai que les Américains sont très fiers de ça. Et puis ensuite, on n'a pas appris grand-chose sur Pluton. On a vaguement, en regardant la lumière réfléchie varie, on a essayé d'estimer la durée du jour, et ça jusqu'en 78. Puis on reste aussi dans la mythologie romaine qui a valu le nom à quasiment toutes les planètes du système solaire également. Oui, tout à fait. Donc, puisque c'est le dieu des enfers, Hadès. C'est le dieu des enfers, et puis on verra que tout le système de Pluton qui est très riche, il y a cette thématique de l'enfer qui est Charon, la lune qu'on a découvert. Donc en 78, ça c'était le grand rebondissement. Et puis ensuite, on va le raconter, je pense, avant même la mission New Horizons, donc a survolé Pluton en juillet 2015, le 14 juillet, Cocorico, 14 juillet 2015. Et bien, finalement, on a New Horizons a confirmé finalement que ce qu'on avait appris avant, non pas en l'observant directement, parce que Pluton, vu depuis la Terre, même avec le meilleur télescope, le télescope Hubble, c'est une tâche un peu floue avec pas beaucoup de détails, mais avec des méthodes d'astrophysique, la spectroscopie, les occultations satellaires, on pourra peut-être on va en reparler, on a un reportage de voilà, dessus qu'on va entendre dans quelques instants. Eh bien super, et bien on a appris plein de choses finalement sur la planète qui ont été confirmées par New Horizons, donc en astrophysique c'est une belle histoire quand même. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être justement avant, pré-New Horizons, une sorte de fiche d'identité de Pluton, qu'est-ce qu'on sait? On se rend compte très vite qu'elle ne se comporte pas tout à fait comme les autres planètes du système solaire, qu'il y a quelques problèmes. Alain, oui, quelques mois juste après la découverte, donc en 1930, on se rend compte que c'est une planète, certes, à l'époque, mais une planète quand même atypique, sous trois égards. Premièrement, c'est une planète dont l'orbite n'est pas circulaire, comme la majorité des planètes du système solaire. Et deuxièmement, comme elle n'est pas circulaire, on dit qu'elle est excentrique, donc un petit peu allongée, elle peut rentrer à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Et deuxième aspect, cette orbite, elle est aussi inclinée sur le plan moyen des planètes. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez atypique pour une planète. En général, on est tous à peu près dans un même plan. Et troisième critère, c'est un phénomène de résonance. Une résonance, c'est un rapport entier de nombres. Donc Pluton fait deux tours pendant que Neptune en fait trois. Et c'est un mécanisme qui finalement protège Pluton de toute rencontre proche avec Neptune. Donc c'est déjà quelque chose un peu particulier. Pluton se démarque un petit peu. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur le caractère spécial de cette planète. Mais néanmoins, on l'a gardée comme telle. Mais c'était déjà quelque chose qui intriguait. Pourquoi la puce à l'oreille ? Parce que elle ne ressemblait pas aux autres planètes, finalement, au regard de ces trois aspects. L'excentricité, donc une orbite allongée, une orbite inclinée, et puis surtout cette résonance avec Neptune. Comment est-ce qu'on en apprend, puisque avant New Horizons, jusqu'à preuve du contraire, c'est là pour le moment la seule sonde qui a survolé la planète, comment est-ce qu'on voit, quels sont les instruments qui nous permettent justement d'observer Pluton et de découvrir un peu mieux son voisinage stellaire ? François Forget. Ouais, alors comme je le disais à l'instant, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de voir à quoi elle ressemble. Et là, c'est très décevant, parce qu'elle est tellement loin, et puis pas si grande que ça, que même avec les meilleurs télescopes, on voit une petite tache floue. Alors, je vais pas détailler des choses, mais on a pu un peu discerner son aspect en utilisant très astucieusement les périodes où Charon, sa lune, qui est juste deux fois plus petite que Pluton, passe devant. Et puis, en faisant comme ça une analyse très astucieuse, on a pu reconstituer à peu près l'aspect de Pluton dans les années 80. Mais pour ce qui est de qu'est-ce qui se passait sur Pluton, juste avec un télescope, c'est pas possible. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est faire de la spectroscopie, c'est-à-dire qu'on regarde la lumière réfléchie, et puis au lieu de regarder une image, on va faire des spectres, Donc on regarde les longueurs d'onde, les couleurs. Et là, on a tout de suite vu qu'il y avait de la glace de méthane, ça c'est très facile à voir, et de la glace d'azote. Alors c'est difficile à voir, mais quand on en voit un peu, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et on a tout de suite compris que c'était un monde couvert de glace. Alors, comme on peut estimer sa température, on a tout de suite compris aussi que cette glace devait être en équilibre solide gaz, si vous voulez. Ça veut dire que s'il y avait de la glace à cette température-là, c'est qu'il y avait une atmosphère au-dessus. Une atmosphère d'azote avec un peu de méthane. Ça, on l'a compris assez rapidement. Alors, tout d'un coup, on s'est dit, oula, mais c'est un monde actif, quoi. C'est pas juste un bout de caillou très loin. Non, non. Ça, là, on a un monde avec certainement une atmosphère. Avec des échanges. Voilà. Derrière ça, peut-être on va en parler un instant. On a utilisé cette fameuse astuce qui est de regarder quand une étoile vue de la Terre passe derrière Pluton. Et c'est le moment où je vous interromps, parce que précisément, c'est ce dont nous allons parler avant New Horizon. Il y a donc cette technique de l'occultation stellaire. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est l'objet de votre reportage du jour. Vous êtes intéressé à cette méthode qui nous a permis d'en apprendre sur Pluton avant l'envoi de la sonde. Oui, alors une occultation stellaire, c'est le passage d'un astre devant une étoile du point de vue d'un observateur terrestre. Alors typiquement, quand Pluton passe devant une étoile lointaine, on peut sur Terre mesurer une variation du flux lumineux en provenance de cette étoile. Cette mesure du delta de lumière est chargée d'informations sur la physique et sur la chimie de Pluton. Je suis allée voir Jocelyn Desmars qui travaille sur ces occultations pour mieux comprendre l'atmosphère de Pluton et son climat. Une occultation stellaire, c'est en fait le passage d'un objet du système solaire devant une étoile lointaine. Et en fait, pendant cet événement bien particulier, qui se passe en fait sur une zone vraiment limitée sur la surface de la Terre, on va observer une baisse en flux de luminosité de l'étoile qui est occultée par l'objet. Et en fait, en mesurant précisément le temps de cette occultation à partir de différents endroits sur Terre, on est capable après de déterminer la forme, par exemple, de l'objet, sa taille, et pour des objets qui ont des atmosphères comme Pluton, de mesurer précisément la pression atmosphérique avec cette méthode. Donc en mesurant le delta de luminosité qui nous parvient de cette occultation, on peut en tirer toutes ces informations sur la physique de Pluton et son atmosphère. C'est ça. Donc pour Pluton, elle est la première qui a montré l'atmosphère de Pluton, c'est en 88. Et depuis, il y a eu à peu près une vingtaine d'occultations qui ont été observées, surtout dans les années 2000-2010. Et en fait, en Pluton, la caractéristique de son orbite, c'est qu'en 89, il est passé au périhélie, c'est-à-dire à l'endroit le plus proche de la distance Pluton-Soleil. Et donc, ça correspond à un maximum d'activité. Et donc, on s'attendait, en fait, après ce périhélie, à avoir une baisse de la pression atmosphérique. Parce qu'il y avait une chute de température qui avait été observée. Il faut savoir aussi que l'orbite de Pluton est très excentrique. Donc, il y a des fortes variations de distance. Donc, il y a des variations climatiques extrêmes. C'est ça. Donc, ça impose, par exemple, une différence d'insolation de 25%, par exemple. Et donc, on s'attendait à ce que la pression atmosphérique baisse. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on a observé grâce aux occultations. C'est plutôt une augmentation de la pression atmosphérique. Alors, l'atmosphère de Pluton, c'est composée d'azote, de monoxyde de carbone. Oui, principalement d'azote. Et de méthane. Oui. Et ce qu'on a pu montrer avec votre étude, c'est que il y avait une séquestration un peu de l'azote et qui expliquait un peu la machinerie climatique et ce phénomène de dépression. C'est ça. En fait, il y a principalement un réservoir sur Pluton. Donc ça a été mis en évidence par la sonde New Horizon, qui a survolé Pluton en 2015. À partir de ça, on a pu avoir une représentation topographique de Pluton et ce réservoir en fait injecte régulièrement de l'azote dans l'atmosphère de Pluton. Ce réservoir, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est de la glace? Oui, c'est un glacier d'azote en fait. Et ensuite, l'insolation fait qu'il y a un échauffement et que... Donc il y a une sublimation de l'azote? Le glacier en fait envoie de l'azote dans l'atmosphère. Donc la grosse partie de mon travail, moi, c'est plutôt de m'intéresser à la dynamique ou disons à la trajectoire de Pluton pour justement affiner les prochaines prédictions. Et également, ce qui est important, enfin ce qu'on essaye d'observer pendant des occultations, c'est ce qu'on appelle le flash central. Donc c'est une brusque augmentation de la luminosité pendant l'occultation, en fait au milieu de l'occultation. Et ça, c'est lié au fait que Pluton a une atmosphère, enfin ça arrive pour tous les objets qui ont une atmosphère. Et en fait, il y a une concentration de la luminosité au milieu de l'occultation. Et cet événement, il arrive uniquement proche de la centralité, dans une bande vraiment de quelques kilomètres, d'une dizaine, cinquantaine de kilomètres. Et en fait, cette observation du flash central, elle est importante parce qu'elle va nous apporter des contraintes très fortes sur l'atmosphère. L'année dernière, par exemple, donc l'occultation, c'était le 15 août 2018, qui est passée sur les États-Unis. Donc là, on avait anticipé, puisqu'on avait une très bonne prédiction de quelques dizaines de kilomètres. Et donc, on a réparti quelques stations, quelques télescopes pour observer cette occultation. Et effectivement, plusieurs observateurs ont rapporté l'observation d'un flash central. Ça, c'est une observation qui date de l'année dernière. Voilà, c'est ça. Dans le sud des États-Unis, en fait, la centralité passait sur le Texas et après remontait vers le... Je peux vous montrer la carte aussi. Ça, c'est la prédiction qui avait été faite. Donc là, c'est le bord de l'objet et avec les lignes qui représentent l'atmosphère. Et la ligne au milieu, ici, représente la ligne de centralité. Donc c'est là où on... C'est une ligne qui représente le déplacement de l'ombre, en fait. De l'ombre, c'est comme une carte... sur la Terre. Voilà, c'est ça. C'est comme une carte d'éclipse, un peu. C'est la projection du déplacement de l'ombre sur la Terre. Et donc, sur la ligne de centralité, c'est là où on peut observer ce flash central. Donc là, ça passait par exemple sur le Texas, la Louisiane. Et donc, sur l'enregistrement de l'occultation, on voit bien encore cette baisse de luminosité avec un léger pic au centre. Oui. C'est-à-dire qu'on voit un pic de luminosité, bref, très bref, quelques secondes. Et donc ça correspond en fait à l'étoile qui est derrière Pluton, vraiment alignée parfaitement. Et ça fait comme une lentille. En fait, pour observer une occultation, il n'y a pas besoin de très gros matériel. C'est pour ça que les amateurs, en fait, on travaille beaucoup avec les amateurs, parce qu'eux ont des petits télescopes. L'important, c'est d'avoir des caméras rapides. Et donc là, par exemple, vous avez une caméra... Alors, je vais juste ouvrir. Donc voilà, en fait, il y a simplement dans la mallette un ordinateur. En fait, l'instrument principal, c'est cette petite caméra. Donc en fait, c'est pas très grand, hein, vous voyez, c'est une caméra qui tient dans la main. Et la particularité de cette caméra, c'est qu'elle peut faire des pauses. Elle est très sensible, c'est-à-dire que si on fait un temps d'exposition relativement court, on va quand même avoir du flux d'étoiles, donc on va avoir quand même des étoiles sur l'image. Et l'autre instrument important dans cette mallette, c'est le GPS. C'est un petit boîtier, voilà, qui est relié en fait à une antenne GPS. Donc qu'on déplie, qu'on met en général, quand on est dans une coupole, on la met à l'extérieur de la coupole pour avoir un bon signal des satellites GPS. Qu'on relie à ce petit boîtier lui-même est relié à l'ordinateur avant d'observer. On va installer la caméra au foyer du télescope, également relié à l'ordinateur. Et en fait, le GPS va mettre à l'heure le temps de l'ordinateur. Et ensuite, les images de la caméra vont être datées précisément au milieu de l'exposition. Ça, c'est important pour après, pour faire toute l'analyse globale. Donc vraiment, on peut étudier l'atmosphère de Pluton ou d'autres objets distants simplement avec ce genre de matériel. Voilà comment on a pu étudier Pluton depuis la Terre avant d'envoyer cette fameuse sonde New Horizons. Peut-être aujourd'hui, un petit tour d'horizon, une réaction à ce que vous venez d'entendre et puis à ce que a pu nous apprendre globalement sur la planète ces méthodes dites d'occultation stellaire, Alain Doré Sundiram. Oui, alors les occultations stellaires, c'est un moyen très puissant, extrêmement puissant, pour sonder la matière sombre, je ne vais pas dire la matière noire, la matière sombre du système solaire. Donc des choses qui sont très peu réfléchissantes, comme des atmosphères très ténues, des anneaux, ou des petits astéroïdes. Moi d'ailleurs, j'utilise cette méthode pour détecter les très petits objets transneptuniens qui ne sont pas observables directement avec en imagerie directe. Et effectivement, à l'Observatoire de Paris, nous avons une équipe très compétitive, dirigée par Bruno Sicardi, qui depuis 30 ans a commencé les occultations. Il chasse donc ces ombres à travers la surface de la Terre pour traquer donc cette imperceptible baisse de luminosité qui trahit donc la présence d'une atmosphère, des anneaux ou de petits anneaux, comme il l'a fait aussi de découvrir pour la première fois des anneaux autour de petits corps comme les objets transneptuniens. Et donc, ce ne sont plus seulement les planètes géantes qui ont des anneaux, on a trouvé des anneaux autour de petits objets transneptuniens. François Forget. Oui, alors, donc, avant New Horizons, grâce aux travaux, et je dois dire, des travaux en grande partie français, hein, qui sont un peu la référence dans ce domaine-là, on avait compris, d'une part, grâce à l'occultation stellaire dont on vient de parler, et aussi la spectroscopie ultra haute résolution avec les plus grands télescopes, c'est-à-dire le Very Large Telescope au Chili, donc avec le collègue de Bruno Sicardi, qui s'appelle Emmanuel Lelouch, qui est aussi la référence dans cette autre matière. On avait pu à la fois avoir la structure thermique de l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que c'était une atmosphère très particulière, pour faire simple, c'est une espèce de stratosphère juste au-dessus de la surface. Parce que vous avez une surface qui est à environ 40-50 Kelvin, donc moins 235 degrés Celsius, il fait froid, hein, on est loin, et avec de l'azote solide, vous imaginez. Et puis juste au-dessus, l'atmosphère... Juste au-dessus, c'est-à-dire à quelques mètres, à quelques kilomètres? À quelques mètres, c'est déjà beaucoup plus chaud, et puis il y a un gradient de température, c'est-à-dire la température augmente très très vite en montant, et déjà à quelques milliers de mètres d'altitude, elle est peut-être 60 degrés plus chaude que la surface. C'est-à-dire à 100 Kelvin, ce qui est encore très négatif, mais ce qui est beaucoup plus chaud comparativement. Oui, c'est beaucoup plus chaud. Et donc ça, c'est sans équivalent dans le système solaire, c'était très intéressant. Et en fait, parallèlement, grâce aux mesures, notamment d'Emmanuel Lelouch, on a à peu près compris pourquoi. La raison, c'est que vous avez une atmosphère d'azote, d'accord, mais dans cette atmosphère d'azote, vous avez un petit peu de méthane. Le méthane, ça absorbe le rayonnement du soleil, donc ça chauffe. Mais ça émet, ça se refroidit pas très bien dans l'infrarouge. Vous savez, tous les corps dans le système solaire, comme ça, c'est, on chauffe parce qu'on absorbe le rayonnement solaire et on refroidit en émettant du rayonnement infrarouge thermique. Et donc, ça absorbe, mais ça se refroidit mal. Il y a pas ça manque de radiateur. Résultat, vous avez cette atmosphère très chaude. Un peu comme sur Terre, la fameuse stratosphère qui est chauffée par l'ozone. Mais là, c'est juste au-dessus de la surface. Donc, ça fait des phénomènes assez exotiques pour moi, hein, qui, par exemple, étudie la météorologie de l'atmosphère. C'est une atmosphère très amusante à étudier, qui pose plein de défis un peu théoriques. C'est assez intéressant. Il faut préciser que quand on parle d'atmosphère, on parle malgré tout d'une atmosphère extrêmement ténue par rapport à celle que l'on peut connaître sur Terre ou sur Vénus ou sur d'autres planètes. Ouais, tout à fait. La pression à la surface, en gros, c'est 1 pascal. Donc, je vous rappelle, sur Terre, c'est 100 000 pascal. Donc, c'est beaucoup plus fin. Cela dit, ça reste quand même une atmosphère, au sens où vous avez des nuages, vous avez des brumes. Quand on regarde une image de Pluton, il y a beaucoup d'images qui, dès que le soleil est un petit peu à contre-jour, on voit vraiment bien l'atmosphère, c'est magnifique. Et puis surtout, cette atmosphère, c'est elle qui est à l'origine de précipitations, du fait qu'on a des glaciers qui se forment à tel ou tel endroit. Donc, une activité à la surface très, très importante. On va partir en direction de Pluton, on va arriver à ce fameux départ de la sonde New Horizon. Un mot peut-être Alain de Ressundiram juste avant cela. Comme toujours, on sait que les projets de la NASA, ça met toujours énormément de temps. Une sonde vers Pluton, l'idée apparaît quand ? Oh, elle commence même dans les années, 90. Hein, il y a plusieurs fois enterré parce que manque de budget, etc. Et effectivement, New Horizons, c'est une émanation de plusieurs projets qui avaient avorté avant. Mais c'est une mission très ambitieuse puisque finalement, il faut énormément de temps, beaucoup de ressources, et ça a eu du mal effectivement à être accepté par la NASA. Il a fallu la redimensionner. Il y avait une première mission qui a été lancée, je crois, en 89, qui coûtait très très cher, qui a été retoquée. François Forget. Oui, il y a une riche histoire. D'ailleurs, si certains sont intéressés à lire le livre du grand responsable très charismatique de la mission qui s'appelle Alan Stern, il y a à peu près un tiers du livre qui parle que de ça, du fait qu'il propose une mission, s'est refusé, le Congrès le remet en question, etc. Cela dit, ça a pris du temps, mais elle a été finalement sélectionné de manière assez sérieuse pour le coup en 2001, et ensuite le développement était extrêmement rapide. C'est une mission complexe et elle a été lancée en 2006, donc moi je trouve ça très impressionnant. En Europe, on n'aurait pas su faire cela. Et puis il faut dire que c'est 0,5 ans entre le lancement de la mission et le lancement de la sonde. Et il faut c'est quand même une mission très exotique qui va très très loin. On peut pas mettre des panneaux solaires tellement on est loin du soleil, donc il faut mettre un peu de plutonium qui chauffe. C'est assez compliqué comme concept et c'est un petit chef-d'œuvre. Alors je dis petit parce que elle a quelque chose d'assez amusant, cette sonde. Pluton, c'est tellement loin qu'on veut y aller très vite, sinon il va falloir 50 ans pour y aller. Alors, résultat, on l'a mise sur la plus grosse fusée qui était, disons, abordable à l'époque. C'est une Atlas 551 pour les spécialistes, donc c'est un truc qui peut mettre plus de 20 tonnes dans l'espace. Mais on n'a pas mis 20 tonnes dans la coiffe. Alors, vous avez une immense coiffe, et dedans, vous avez un tout petit engin, New Horizons, qui fait 478 kilos. Et on a donc utilisé le moteur fusée, toute cette marge de masse pour accélérer. Et la sonde, donc en 2006, elle a rejoint, elle a dépassé l'orbite de la Lune en 9 heures, alors que vous vous souvenez, Apollo, il fallait 3 jours pour y aller. Elle a survolé Jupiter au bout de 13 mois, alors que la dernière mission qui était Jupiter, par exemple, c'est Juno, elle a mis 4 ans. Donc à fond, quoi. À fond. Et puis le tout pour pouvoir faire cette immense distance, traverser tout le système solaire de plus de 4 milliards de kilomètres en moins de 10 ans. C'est aujourd'hui encore l'un des objets humains les plus rapides que l'on ait lancé dans l'espace, derrière Voyager 1 néanmoins. J'ai lu. Ouais, ouais, parce que New Horizons va vite. Elle est partie plus vite que Voyager 1, mais Voyager 1 a profité d'un effet de front gravitationnel. C'est-à-dire, quand on frôle une planète géante avec cette forte gravité, ben, on est un peu accéléré à chaque fois. Et New Horizons a profité de cette technique uniquement au survolant Jupiter. Mais Voyager 1, elle, a profité de Jupiter, puis de Saturne. Et donc, ça fait que maintenant, Voyager 1 s'éloigne du Soleil un peu plus rapidement que New Horizons. Go anywhere without leaving your chair, and let your thoughts run free. Living within all the dreams you can spin, there is so much to see. If you can't fly high, no need to feel low. The world is a merry-go-round. Plutôt de Don Partridge sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons donc de cette planète naine de Pluton qui a été survolée il y a 4 ans déjà par la sonde New Horizon, qui est arrivée, comme on l'a entendu, à une vitesse record au-dessus de cette dernière frontière avant le nuage de Kuiper, la ceinture de Kuiper, pardon. Nous en parlons avec Alain Dorisundiram, qui est astrophysicien au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris et Université PSL, et François Forget, membre de l'équipe New Horizon, planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, avant d'arriver près de Pluton, on s'approche, on va venir par y arriver. On peut dire que il y a tout de même, la NASA se fait une grosse frayeur à Alain Dorisundiram au moment de réveiller la sonde New Horizon. Il y a eu un petit bug dans l'informatique qui a fait penser qu'on avait perdu la sonde. Ah, alors là, ça, par contre, je suis pas très au point. Peut-être François. François. Alors, c'était pas au moment de la réveiller. C'était un peu après. On l'a réveillé au printemps, fin de l'hiver 2015. Mais on avait donc fait plein de tests. Vous imaginez, c'est le mode NASA, c'est le mode astronaute, plein de répétitions, quelque chose de très intense. Et puis le 4 juillet, donc 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis. Tout le monde est au barbecue et tout d'un coup, on reçoit une information. La sonde a arrêté de fonctionner. Dans le jargon NASA, elle s'est mise en safe mode. Alors là, c'était terrible. Pourquoi c'était terrible? C'est parce que la sonde était tellement loin, elle est à peu près à 4h30 lumière, c'est-à-dire 4h30 radio. Donc, tout d'un coup, elle marche plus. Et si on veut interroger l'ordinateur de bord, on envoie un signal, on dit « Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ?» Répond, il faut 9h aller-retour. Donc là, gros stress. La personne en charge, c'était Alice Bowman, une femme qui s'est mise vraiment au travail. Et alors là, on a heureusement compris rapidement ce qui était passé. Il y avait eu un conflit de... On avait saturé la mémoire en demandant trop de choses. Et en gros, pour faire simple, on a pu reproduire la panne. En reproduisant les commandes qu'on avait envoyées à la sonde si loin, on a toujours, dans une mission spatiale comme ça, un modèle de rechange, on va dire, une espèce de simulateur électronique qui reproduit ce que fait la sonde, disons, dans la pièce à côté. On envoyait les mêmes commandes, elle s'est aussi tombée en panne. Donc on a pu comprendre, débugger. Et pendant les jours qu'on suivit, ça a été très long, on a pu envoyer les modifications du programme parce qu'on était juste 10 jours avant le survol. Et c'était la première fois qu'elle tombait en panne. C'était un chef-d'œuvre, cette sonde. Elle est toujours extrêmement fiable. Donc, et puis finalement, on arrive au 14 juillet. Et là... La fête nationale française, cette fois-ci. Oui. Et c'est le survol. et donc le survol. Alors peut-être avant d'arriver au survol, il y a des premières images qui arrivent surtout à l'Indore Sundiram. Il y a des premières images, l'image d'avant, on va vous poster un comparatif sur le fil Twitter de l'émission. Les seules images qu'on a, ce sont les images de Hubble qui, comme le disait François Forget tout à l'heure, sont floues. On voit un petit point marron clair. Voilà. Et là, d'un seul coup, ces premières images incroyable, superbe, magnifique, détaillé. Voilà, déjà, même avant le survol rapproché, donc le 14 juillet, on a déjà des images qui dépassent de loin les images de Hubble. Rendez-vous compte, l'objet est tellement loin que la lumière qui est reçue sur Pluton est 1400 fois plus faible que celle que l'on reçoit sur Terre. Donc effectivement, depuis la Terre, on a vraiment des images assez, assez modestes. Donc à partir de quelques jours, voire quelques mois avant, on commence à voir des images, on commence à distinguer le couple Pluton et Charon, et on commence à voir véritablement des structures, des couleurs et des formes se dessiner à la surface de Pluton. Et à l'arrivée, donc le 14 juillet, on a une explosion d'images qui est acquise, mais qu'il faut recevoir au compte-à-gouttes, puisque il va falloir près d'une année pour recevoir toutes les images de ce survol. Et il n'y a pas que Pluton, il y a aussi les 5 satellites, puisqu'on a découvert juste quelques années avant le survol des petits satellites à Pluton, justement avec le télescope spatial Hubble. Et donc c'est tout un monde qui se dévoile et que va explorer la sonde New Horizons. Quel est à l'un et à l'autre finalement votre premier souvenir de ces images, de ces informations d'ailleurs au sens large envoyées par New Horizons? Quand vous le scrutiez, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Alain Doré Sundiram. Bon, ce qui vient tout de suite qui tape à l'œil, c'est cette espèce de zone qu'on appelle le cœur de Pluton. Tout de suite, ça se détache, ça fait la forme d'ailleurs d'un cœur, et tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est? Effectivement, littéralement, c'est vraiment le cœur battant de Pluton, parce que c'est là que finalement, après, on découvre que c'est un immense glacier d'azote qui en fait génère, et François Forger va bien l'expliquer, puisque c'est un spécialiste des atmosphères, qui génère toute la météorologie à la surface de Pluton. François Forger. Alors moi, ce qui m'a frappé, il faut bien voir que la sonde était programmée pour, pendant ce survol, pendant une durée de 24 heures, passer en mode automatique, tout avait été programmé à l'avance, pour prendre des images, pour faire une mosaïque, vous voyez, une série d'images sur Pluton, puis sur Charon. Et il y avait tout un ensemble de manœuvres très très intenses qui étaient organisées. Et pendant ce temps-là, la sonde n'avait pas le temps de se tourner vers la Terre pour communiquer. Résultat, il y avait un suspense assez incroyable, parce qu'on n'était pas sûr que tout se passerait bien, on n'était pas sûr qu'en passant dans le système, eh bien, elle n'allait pas percuter des poussières, elle n'était pas impossible que dans système aussi riche avec une lune et 5 petits satellites, il n'y avait pas des poussières. Alors on avait essayé de regarder les petits maximum. De quelques kilomètres à peine, vraiment. Oui, 10, il y en a 2 de 10 et 2 de 50 pour faire simple, mais s'il y avait des poussières, imaginez, la sonde est passée à 11 km par seconde, c'est une vitesse assez effarante, elle faisait 1 million de kilomètres par jour. Donc il suffisait qu'elle en touche une, pouf, c'était l'explosion. Donc il y avait du suspense, et puis tout d'un coup, là, dans le soir du 14 juillet aux États-Unis, donc ça faisait le matin en France si vous voulez, elle s'est retournée vers la Terre et elle a transmis. La première chose qu'elle a transmis, c'était la quantité d'informations dans les mémoires étaient pleines, et là ça a été vraiment un saut de joie. Et peu après, les premières images, donc avec ce cœur. Et moi, l'image qui m'avait le plus frappé, c'était une image qu'on a récupérée quasiment dans le deuxième lot d'images, donc quasiment le 15 juillet, quoi. Et là, on voyait éclairé avec un soleil assez rasant le bord de cette calotte qu'on a mentionnée plusieurs fois, qu'on appelle maintenant Sputnik Planitia. Donc c'est une espèce de calotte glaciaire, l'une des parties du cœur. Vous imaginez un espèce d'océan, la partie gauche, un espèce d'océan d'azote solide, tout à fait lisse, on pourra reparler parce qu'il y a une géologie tout à fait exotique qui est amusante, mais sur le bord, en fait, on a des montagnes extrêmement escarpées, une vraie chaîne de montagnes qui évoque, je sais pas moi, les Alpes, si vous voulez, avec des falaises de 5000 mètres de haut, et c'était absolument magnifique. Et là, vous comprenez, nous, on était sur cette mission depuis des années, on essayait d'imaginer ce qui se passait, on avait comme référence certains satellites, par exemple Triton, qui est un satellite de Neptune, c'est joli Triton, mais c'est un peu plat, si vous voulez, c'est couvert de glace. Et là, on a ce monde absolument magnifique. Moi, personnellement, c'est mes paysages favoris sur Terre, les belles chaînes de montagnes, le Groenland, toutes ces choses-là. Et là, il y avait ça sur cette planète, et comme on l'a pu l'écrire plus tard, plusieurs fois, de manière, moi-même, j'ai eu ce sentiment-là, Pluton n'avait pas besoin d'être spectaculaire et magnifique. Vraiment, on aurait pu survoler, voir un truc tout plat avec de la glace. Mais c'est vraiment spectaculaire et magnifique, Pluton. C'est des reliefs, je vous assure, allez-y en vacances. C'est un parc national fantastique. Et moi, encore maintenant, j'ai cette sensation-là. C'est-à-dire le côté, on allait voir un truc qu'on savait pas. Et puis comme par hasard, comme souvent finalement dans l'exploration, on arrive, on regarde. D'abord, c'est intéressant scientifiquement, ok. Mais en plus, c'est magnifique. Donc voilà ce dont je me souviens de ces premiers jours. Un mot très bref, New Horizon, vous le dites, passe à 11 km/s, donc c'est très rapide. Il n'y avait absolument aucun moyen de récupérer l'attraction gravitationnelle de Pluton pour faire plusieurs tours. C'était vraiment juste un go-by comme ça? Bah non. Pour faire simple, 11 km/s, par coïncidence, ça correspond à la vitesse d'échappement. Vous savez, quand on veut quitter la Terre. Et... Alors donc, ça veut dire, pour faire très simple, que si on avait voulu freiner, sachant que Pluton, c'est pas très gros quand même, la gravité est vraiment faible. Si on avait voulu freiner, il aurait fallu emmener une autre fusée, une espèce de fusée Soyouz, vous voyez, un truc de 60 mètres de long, plus de dizaines de tonnes, pour freiner et se mettre en orbite. Si on avait, ce serait faisable, hein, mais il aurait fallu utiliser d'autres astuces, une orbite tout à fait différente, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc la réponse est non, ça aurait été totalement impossible de s'arrêter. Alors parlons un peu justement de ces apports scientifiques à l'Indore Sundiram. Donc, François Forget vient de l'évoquer, on peut rentrer un peu dans le détail de ces informations effectivement très très spectaculaires. Cette fameuse plaine Spoutnik, on parle de montagnes de glace d'eau qui flottent sur un océan de méthane liquide. Qu'est-ce que, racontez-nous un peu ce qu'on a découvert de surprenant à la surface de Pluton et de ses apports scientifiques et auxquels on ne s'attendait pas vraiment, on peut le dire, auxquels la communauté scientifique astrophysique ne s'attendait pas à découvrir cette variété de reliefs. Alors effectivement, on a trouvé un monde absolument riche d'un point de vue géologique, encore plus riche finalement que naît la Terre. Et les géologues se sont donnés à cœur joie pour étudier ce système. Parce que figurez-vous, sur Terre, l'eau joue le rôle dans ces trois phases, hein, liquide, gazeux, solide, alors que sur Pluton, on a finalement trois molécules qui jouent ce rôle, l'azote, le CO, le monoxyde de carbone, et le méthane. Et on a trouvé des chaînes de montagnes, donc des montagnes de glace d'eau, c'est tout à l'envers, on a des montagnes mais en glace d'eau, des glaciers, mais des glaciers d'azote, de la neige de méthane, et dans tout ça des reliefs absolument fabuleux, des canyons, des glaciers qui se déplacent, des volcans, mais on appelle ça des cryovolcans, donc qui crachent de la glace, des lames de rasoirs affûtés en méthane qui ont été façonnés par les vents. Donc vraiment une géologie absolument riche, encore plus riche qu'on ne pourrait le voir sur Terre. Et c'est ce qui fait finalement que Pluton, même si ce n'est plus une planète, c'est un objet absolument fascinant. Alain Doré Sundiram vient de dire quelque chose d'incroyable, façonné par des vents. Alors ça veut dire que dans l'atmosphère que vous décriviez, François Forget, qui est une atmosphère extrêmement ténue, il y a des vents sur Pluton? Bah bien sûr. bien sûr, je ne sais pas, bien vous allez nous le dire. Il y a naturellement une circulation atmosphérique. Pour juste revenir entre guillemets à ce cœur de Pluton dont on a parlé un instant, c'est pas des icebergs de glace d'eau sur un océan de méthane, mais ce que l'on a en fait donc c'est un grand cratère, très grand, hein, 2000 km sur 1000, un bassin on va dire, et qui peu à peu pour des raisons physique que l'on pourrait raconter, c'est rempli de glace d'azote sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et alors, ce glacier d'azote est entouré de petits glaciers qui érodent les montagnes sur les côtés. Il faut savoir que le caillou sur Pluton, c'est de la glace d'eau. On le sait ça parce que quand on regarde la densité, on comprend que au cœur de Pluton, on a un cœur de cailloux, donc de roches silicatées, et le tout entouré d'un manteau de glace d'eau sur plutôt 300 km. Et donc toute la géologie à la surface, c'est de la glace d'eau. Alors à moins de 100 degrés, la glace d'eau, c'est comme du caillou, c'est extrêmement rigide. Avec en plus dessus donc ces glaciers d'azote. Et alors on s'est rendu compte que la glace d'azote, comme sur Terre, les glaciers d'eau peuvent arracher, éroder les montagnes. Mais lorsque on arrache une montagne sur Terre, la montagne se coule au fond du glacier, etc. Sur Pluton, c'est différent, puisque les montagnes de glace d'eau, elles sont moins denses que la glace qui les érode. Okay ? Résultat, vous avez des espèces d'icebergs de glace d'eau qui sont transportés par les glaciers d'azote. Et donc, c'est très étonnant, on a des montagnes qui font plusieurs milliers de mètres de côté et qui sont comme ça posées au milieu du glacier d'azote. Alors, en plus, je peux continuer ça. Allez-y, alors arrêtez-moi. On vous écoute avec grand plaisir. En plus, cet immense glacier d'azote, il est chauffé par en dessous. Alors par quoi il est chauffé justement? C'est intéressant. Parce que... il y a un peu de chaleur interne toujours dans ces mondes-là. D'abord, essentiellement, même s'il est petit, il reste un petit peu notamment dans les roches qui sont au cœur, il reste des molécules radioactives. Et donc, pour la même raison que sur Terre, même si c'est beaucoup moins efficace, sur Terre, on a un corps très chaud, tout le monde le sait, et c'est essentiellement parce que vous avez de l'uranium, par exemple, l'uranium fait un peu de fission, et puis ça chauffe, ce qui fait que on a de la lave qui sort, etc. Sur Pluton, c'est un peu moins fort, parce que c'est un peu moins volumineux, Pluton, mais on a aussi cette petite source d'énergie qui fait que le bas du glacier, qui fait plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, est un peu plus chaud. Et là, comme la glace, c'est quand même de la glace solide, mais elle est un petit peu fluide, si vous voulez, elle peut couler, elle peut se déformer, on va dire, pour être plus précis, eh bien, on a des mouvements convectifs très très étonnants, parce que ça crée, on a l'impression, quand on regarde ce glacier d'azote, qu'il est constitué comme, il y a des espèces de figures polygonales qui font des dizaines de kilomètres de côté, et qui représentent en fait la convection, où ça monte là, ça descend, un peu comme... Vous avez peut-être déjà vu, ça, des fois, il y avait des vieux gadgets à la mode dans les années 80 où on chauffe par en dessous une lampe, on appelle ça une lava-lampe en anglais. Et puis on voit des mouvements convectifs, c'est très joli. On voit ça en vrai. Et alors, le plus rigolo, c'est que mes fameux icebergs de glace d'eau sont transportés et s'accumulent à la lisière de l'endroit où la glace de méthane, d'azote longe. Mmh. Et donc, ça fait des espèces de figures polygonales immenses, des dizaines de kilomètres de large. Bref, c'est vraiment exotique et ça a été vraiment, vraiment amusant pour des chercheurs comme nous de reconstituer, d'essayer de comprendre ce puzzle. Voilà, je peux continuer sans fin. Il faut m'arrêter. On peut en parler extrêmement longtemps de tout avec cet exotisme marrant, amusant sur Pluton. Vous êtes là pour ça, donc tant mieux. On vous écoute avec grand plaisir. Et que pensez de cette modélisation, alors pour le coup plus récente, à partir de ces données envoyées par New Horizons, qui émet l'hypothèse. Alors c'est une modélisation, ce n'est pas une observation. Il faut bien faire le distinguo qu'il puisse y avoir un océan liquide sous la surface de la planète. Qui veut répondre à l'un de vos questions? Je peux commencer. Donc, comme le disait François, il y a donc un cœur rocheux, c'est 70%, et au-dessus donc un manteau de glace d'eau, et puis une petite croûte donc de glace d'azote. Et d'après ces modèles, donc c'est une étude récente, il pourrait donc exister une couche liquide d'eau entre ce noyau rocheux et le manteau de glace. Et comment cela se pourrait-il? Alors, comment se fait-il que cet océan finalement souterrain d'eau ne soit pas gelé? Eh bien, pour cela, cette étude évoque une couche d'isolant, des clathrates de gaz. Donc, ces clathrates, ce sont des pièges, des cages de glace d'eau, dans lesquels vous avez du gaz, soit probablement du méthane, puisque c'est un élément assez courant donc sur Pluton. Et donc, cette couche serait suffisante pour isoler cette couche d'eau du manteau de glace, donc qui l'empêcherait de geler. Et donc, c'est pas une observation, c'est donc un modèle qui pourrait y avoir un océan liquide. Et qui dit océan liquide quelque part dans le système solaire dit excitation maximale parmi les scientifiques, puisque évidemment, ça veut dire ça possibilité en... de vie. Il faut dire qu'évidemment tout ça ne se passe pas à notre 0 degré Celsius ici, ça se passe à des conditions de pression et de température différentes qui peut éventuellement du coup expliquer l'état liquide de l'eau dans cette configuration et dans ce modèle, François Forget. Oui, enfin, pour avoir de l'eau liquide, là, quelle que soit la pression, l'eau doit être au-dessus de 0 degré Celsius, ce qui est extrêmement chaud quand on est plutonien. On a un petit indice observationnel qui semble confirmer ces idées-là, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure la présence de ce bassin très profond qui a certainement été creusé il y a plusieurs milliards d'années par un impact important qui a fait un impact d'astéroïde, si vous voulez, météoritique, pour faire simple, qui a creusé ce trou. Et alors, ce que l'on a pu voir, en regardant comment cette dépression s'est orientée, c'est que contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire que lorsqu'on creuse un trou sur une sphère, eh bien, normalement, la zone devrait plus légère, puisqu'on a enlevé de la matière, on a enlevé des milliers de mètres de glace. Et bien là, on a l'inverse. Tout indique que cette zone est plus massive et plus dense. La preuve, c'est que Pluton s'est tourné de manière à ce que ce point soit à l'opposé de Charon. Vous imaginez, les deux s'attirent l'un l'autre, etc. Et finalement, on l'a pas décrit ça, juste un mot peut-être, François Forget, on n'a pas décrit parce que Charon et Pluton ont un rapport particulier. Charon n'est pas juste un voilà, satellite comme la Lune qui tourne autour de la planète, Charon et Pluton fonctionnent en système. Il faut peut-être le préciser parce que c'est important. Oui, c'est vrai qu'on a ça, c'est un bel exemple parce qu'on a tous appris, on va dire au collège, que les corps finalement doivent tourner autour du centre de gravité commun. Alors pour ce qui est de la Terre et de la Lune, c'est pas faux. Hein, la Lune, bien sûr, tourne autour de la Terre, mais la Terre aussi autour du centre de gravité commun, mais ce centre de gravité est à l'intérieur de la Terre. Pour ce qui est de Pluton et Charon, sachant que Charon est deux fois moins grande en taille, donc moins massif bien sûr que Pluton, mais quand même le rapport n'est pas si net, ce qui fait que Pluton et Charon tournent autour d'un centre de gravité commun qui est à l'extérieur, entre les deux, plutôt près de Pluton, mais quand même entre les deux. D'ailleurs, si on peut regarder sur Internet, quand New Horizons s'est approché, on a fait des petits films, et on voit très bien ces deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, comme une fronde. En tout cas, pour revenir à mon histoire, cette dépression, au lieu d'aller vers l'intérieur parce que c'était plus léger, elle a été déportée vers l'extérieur du système. Hein, les deux tournent autour de l'autre, c'est comme une fronde, comme si c'était un balourd, comme si c'était un surpoids. La seule explication, c'est qu'il fallait que ce trou corresponde à quelque chose de plus dense. Et là, l'explication apportée il y a déjà quelques mois, c'était que lorsque le trou s'est formé, s'il y avait un océan en profondeur, le trou a créé un changement dans la manière, dans la répartition de la pression, bref, dans le manteau. Résultat, imaginez, vous aviez cette petite coque d'eau liquide à la surface, un impact énorme et remontée d'eau. Oui, donc ça fait une grosse poche d'eau liquide. Poche d'eau intérieure. Et rappelez-vous, l'eau liquide est plus dense que la glace. C'est pour ça que les icebergs flottent. Résultat, cette dépression, même si on a retiré la matière, a fait remonter de l'eau plus dense que la glace et ça a fait un surpoids. Et ça, comme on n'a pas trouvé trop d'explications pour expliquer cette répartition, ça a été une espèce de preuve observationnelle qu'il devait y avoir, il y a eu, et probablement encore maintenant, une poche d'eau liquide sous la glace d'eau sur Pluton. Alors évidemment, c'est un endroit extrêmement sombre, très profond, on ne sait pas trop quoi en penser. Et puis, il faut le dire aussi, même si c'est l'eau liquide, c'est fascinant, mais de l'eau liquide, maintenant, on a trouvé sous de nombreux corps et de nombreuses lunes du système solaire, Titan, Europe, etc. etc. Donc cette couche-là, elle est particulièrement inaccessible. Mais enfin, ça fait partie de l'histoire géophysique. Finalement, l'eau liquide, c'est comme... sur tous ces corps-là, c'est un peu comme de la lave, quoi. Vous avez un manteau de glace d'eau, faut pas être trop surpris que de temps en temps, ça passe en phase liquide. C'est pas sûr qu'il y ait des dauphins qui nagent dedans quand même. C'est même assez plus vraisemblable. D'autres informations sur cette planète naine fascinante qui est Pluton. Peut-être aussi un mot. Aujourd'hui, on connaît, Alain Doré Sundiram, les mécaniques qui sont à l'origine de cette couleur un peu sombre, un peu marron ocre que l'on a pu voir plus ou moins foncé à différents endroits, sur différents espaces de la surface. Oui, ce qui est fascinant aussi avec Pluton, c'est que grâce à ce composé qui est le méthane et le rayonnement UV, certes très très peu intense, mais quand même, on a une espèce de photochimie, donc de la réaction avec le rayonnement UV et ses molécules, qui fait que on synthétise des molécules organiques. Alors quand on dit molécules organiques, ce sont des molécules à base de carbone, mais de plus en plus complexes. Et donc on a une photochimie dans l'atmosphère qui s'instaure et fabrication de ces molécules organiques qu'on appelle des taulins. À partir d'observations qui ont été faites aussi sur Titan, on a aussi des taulins sur Titan et qui est caractérisé par un matériau sombre et surtout rouge. Et donc ces petites particules de poussière qui donnent une petite couleur orangée à Titan, par exemple, eh bien, sédimente et tombe à la surface. Ce qui fait qu'on peut créer, d'après les modèles, un micromètre d'épaisseur de cette couche-là, et donc par année plutonienne, et donc 2 mm par million d'années à la surface de Pluton, et donc avec l'âge de Pluton, quelque chose comme 20 mètres, surtout l'âge du système solaire. Est-ce qu'on peut dire aussi un mot, puisqu'on en a parlé à l'instant, François Forget, de ce que New Horizons nous a appris sur Pluton, mais aussi sur Charon, et donc sur ce système, sur la façon dont ces deux objets interagissent l'un avec l'autre? On a aussi pas mal de nombreuses même photos de Charon. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre grâce à New Horizons? Il y a des très belles images de Charon. Il n'y a pas que Pluton. Même si Charon est un petit peu plus simple parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de glace. Par contre, on voit là, pour le coup, très bien la géologie de ces mondes de glace. Alors, il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de glace d'azote, pas de glace active. Par contre, comme Pluton, Charon, c'est un manteau. Toute la géologie, c'est de la glace d'eau très, très froide. Alors, sur Charon, comme sur Pluton, ce qui caractérise la géologie profonde qui est à l'origine de création de failles, de grandes falaises, etc. C'est déjà cette géologie liée à la glace d'eau et qui est liée à l'océan. Alors j'en parle quand vous m'interrogez sur Charon parce que ça se voit très très bien sur Charon et un peu sur Pluton. Dans les deux cas, on voit que on a le sentiment que la croûte, la solide, c'est dilaté et ça fait des fractures partout. La raison est très simple, elle revient à ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est que ces corps ont commencé assez chauds, avec donc probablement un océan d'eau liquide assez, on va dire, épais. Et puis peu à peu, le système se refroidit, tout cet océan gèle en partie sur Pluton, probablement totalement sur Charon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque de l'eau liquide gèle, ça se dilate. C'est comme si vous mettez de l'eau dans une bouteille dans votre congélateur, elle va exploser, quoi. Et donc ça fait une espèce de géologie assez riche, hein. Quand on regarde Charon, il y a des falaises de plusieurs milliers de mètres de haut liées à cette espèce que cette croûte s'est dilatée dans l'histoire. Alors il y a d'autres aspects qui sont amusants sur Charon. Il y a deux choses que j'ai envie de mentionner. La première, c'est que ce qui frappe aussi, c'est que lorsqu'on regarde ce monde, on voit que dans les régions polaires, il y a une espèce de calotte rougeâtre, ce qui est très exotique. Si vous voulez, je peux vous expliquer à mon avis pourquoi il y a cela. On vous écoute, on vient de poser justement la photo de Charon qui n'est pas tout à fait sphérique, qui est un peu difforme encore. Alors, pourquoi ? Alors, ce qu'on voit de manière évidente, c'est qu'il y a une espèce de calotte polaire de rougeâtre. La meilleure théorie qu'on ait trouvée, auquel je crois beaucoup, c'est que vous savez que sur Pluton comme sur Charon, il y a des saisons très très fortes, hein, parce qu'elle est très inclinée, l'axe de l'orbite est très incliné, ce qui fait que pendant toute une partie de l'année de Pluton-Charon, c'est quand même 238 ans, toute une partie de l'année, eh bien, les régions polaires sont plongées dans la nuit. Donc il fait très froid. Sur Charon, il n'y a pas d'atmosphère, donc ça se refroidit. Au bout d'un moment, il fait tellement froid que même les quelques molécules de méthane qui passent dans le coin, notamment celles qui viennent de Pluton, qui est très riche en méthane, il fait tellement froid qu'elles gèlent là, elles se condensent, elles sont piégées, malgré le fait qu'on n'y ait pas d'air. Elles s'accumulent là. Et normalement, il ne devrait rien se passer, puisqu'on est dans le noir. Il ne peut pas y avoir la photochimie qu'évoquait tout à l'heure Alain. Mais en réalité, si, il peut y en avoir, puisqu'il existe un phénomène un peu exotique qui fait que une partie du rayonnement du soleil, notamment dans l'ultraviolet, en longueur d'onde, on est sur France Culture, hein, longueur d'onde Lyman alpha, à 121 nanomètres, eh bien, les photons ont tendance à rebondir sur tout ce qui passe, en particulier l'hydrogène qui entoure notre système solaire, ce qui fait que même côté nuit polaire, même si on ne reçoit pas de lumière visible, celle qu'on voit avec nos yeux, on reçoit un petit peu de cette lumière, ce rayonnement ultraviolet, même dans la nuit. Et donc, ces molécules de méthane qui normalement disparaissent dès que le soleil se lève, elles sont exposées à un rayonnement qui va créer de la chimie et créer ces espèces de molécules plastiques qu'on a évoquées à l'instant, ce qui fait que, et ça se passe que dans les régions polaires, on a l'impression qu'il y a une calotte polaire, mais non pas de glace, mais de molécules de suie organique, les tholins dont on parlait tout à l'heure. Un dernier mot, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces informations apportées par New Horizons sur Pluton et sur son système nous donnent une idée de la genèse, de la formation de cet objet-là ? Est-ce qu'on sait comment Pluton est né et pourquoi elle s'est retrouvée à cet endroit du système solaire, Alain Doré Sundiram ? Alors, il faut replacer Pluton dans le contexte général. C'est un de ces fameux objets de la ceinture de Kuiper. Donc certes, le plus grand, mais un de ces objets-là. Il y a peut-être, certainement d'ailleurs, des objets aussi gros. On sait qu'il y a Eris, mais plusieurs autres objets aussi gros que Pluton. L'intérêt de cette découverte de Pluton, c'est d'avoir découvert effectivement cette riche géologie, un système complet. Mais ça nous apprend aussi des choses sur cet environnement très riche qui est en quelque sorte le réservoir primitif du système solaire à partir desquels se sont formées les planètes géantes. En particulier, il y a des études qui ont été faites sur la cratérisation de Pluton et qui permet justement, en regardant ces petits cratères, de savoir quelle est la population génératrice de ces cratères et donc de comprendre la distribution de taille des très petits objets auxquels on n'a pas accès depuis la Terre. Donc on peut, avec ces résultats, montrer que peut-être qu'il y a un peu moins d'objets de petite taille dans cette ceinture de Kuiper. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la formation du système solaire ? Eh bien, ça permet de contraindre différents modèles, en particulier les modèles qui ont permis d'accréter de la matière, de coaguler la matière, qui sont plus tard devenus des planètes géantes. et on vous renvoie vers l'émission que nous avions consacrée justement à la genèse et aux hypothèses sur la genèse du système solaire, puisque nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus nous parler avec passion et enthousiasme de cette planète naine de Pluton. Merci Alain Doré Sundiram, merci beaucoup François Forget, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Laurence Malonda à la réalisation, Nasser Moussaoui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain nous parlerons d'un autre Graal, celui d'une énergie quasi perpétuelle, peut-être même propre, qui sait, a priori sans risque, et oui, dans laquelle la Chine vient de faire des prouesses technique. Nous parlerons de la fusion nucléaire et qui sait peut-être même de la fusion froide. Ce sera passionnant demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.